Et cette expérimentation, elle a été mesurée en 1995. Et ici, qui en est l'auteur, c'est l'architecte japonais Tadeo Ando. Très connu dans l'architecture de l'international. Bien. Donc, demi-tour. Non. Un lieu de passage